بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله من اتبعهم بإحسان اليوم الدين أما بعد طيب donc hier on a pris يعني qu'est-ce que la religion de l'islam de façon globale ce à quoi elle appelle et ce qu'elle interdit. Elle a résumé qu'elle appelle à tout bien et qu'elle interdit tout mal. Et le bien, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Le mal kadhalik. Et non pas ce que nous, on se conçoit dans nos têtes. Et que kadhalik, le Coran est venu pour confirmer tous les livres précédents qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, ses messagers. Et que le Coran est venu abroger toutes les autres religions, tous les autres livres. Cependant, il garde, l'islam garde tous les biens qui étaient présents dans les autres religions. La différence entre l'islam et les autres religions, c'est que l'islam s'adapte à toute époque et en tout lieu. Contrairement aux autres religions qui, elles, étaient désignées pour des peuples particuliers en des époques particulières. Naam. Donc là, aujourd'hui, il va lire, ou plutôt il va citer, les piliers de l'islam. Arkanu al-islam. Qala rahimahullah ta'ala. Arkanu al-islami. Ususuhu allati yanbani 'alayha wa hiya khamsatun madhkuratun fi ma rawa Ibn Umar radiyallahu anhuma 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala buniya al-islam wa la khamsa 'ala an yuwahhid Allah wa fi riwaya 'ala khams. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه واللفظ لمسلم يون أي بري كو فوندمون برينسيبال دو سوت ريليجيون إيتي التوحيد. L'unicité. Après, c'est comme une maison. Il y a des fondements, il y a des piliers pour tenir cette maison. Maintenant, ces piliers sont de 5 en cette religion. Comme cela fut cité dans le hadith de Ibn Umar, radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam a été bâti sur 5, c'est-à-dire 5 piliers. 5 piliers. Le premier, l'attestation qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed est son serviteur et messager. Deuxième, l'accomplissement de la salat. Troisième, acquittement de la zakat. Quatrième, le jeûne de Ramadan. Et le cinquième, le hajj, le grand pèlerinage. Et un homme dans la six dit, et allé dans le hadith, le hajj en premier. Ensuite, le jeûne de Ramadan. Ibn Omar dit non. Le jeûne de Ramadan, puis le hajj. Dans le hadith, dans l'ordre du hadith. Il dit, c'est comme ça que j'ai entendu du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith, c'est le muttafaqun alayhi, apporté par Bukhari ou Muslim, mais là, c'est la version de Muslim. Après, là, il va citer les arkan, wahidan ba'd wahid, un après l'autre. Qala awalan, amma shahadat an la ilaha illallah, wa anna muhammadan abdu wa rasuluhu. فهي الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بهذه الشهادة كأنه يجزمه في ذلك مشاهد له. Donc il dit premièrement l'attestation de la ilaha illallah. Donc le sens est yani c'était quoi le sens de la ilaha illallah? Ma معنى la ilaha illallah? Naam. La ma'bouda bihaq illallah. Qui est qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah. Et non pas comme certains le disent, nul Dieu ce n'est Allah, nul Créateur ce n'est Allah, et ghayr dhalik. Là, cette interprétation n'est pas bonne. C'est nulle divinité en droit d'être adoré, ou digne d'être adoré, ou ne méritant d'être adoré si ce n'est Allah. Et que Mohammed est son serviteur et messager. Donc cette shahada, elle inclut le fait que tu es cela pour croyance, de façon, tu crois cela de façon décisive, dans ton cœur. Et que tu l'exprimes par ta langue. comme s'il dit, je crois en cela et je le déclare. D'accord, je crois en cela et je le déclare. ثم قال وإنما جعل هذه الشهادة ركنا واحدا مع التعدد المشهود به إما لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله تعالى فالشهادة له بالعبودية والرسالة من تمام الشهادة من تمام شهادة لا إله إلا الله. Donc il dit maintenant, cette shahada a été mise en un seul pilier, bien qu'elle comporte deux termes. D'accord, deux termes. Pourquoi cela? Il dit, soit peut-être du fait que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, nous retransmet directement depuis Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'attester cette divinité pour Allah et le message de son messager, et qu'il est son serviteur, cela est, yani, apporte un message, ou plutôt une attestation plus complète. C'est comme si demain quelqu'un te rapporte une parole d'une autre personne, un message directement, et ce message tu l'acceptes. Tu dis, tu fais comprendre que ce message tu l'acceptes, et que toi aussi en tant que messager de cette personne-là. Et alors tu le crois. Donc c'est un tout qui va ensemble. Donc ça c'est une explication. Il dit, وَإِمَّا لِأَنَّ هَاتَيْنِ شَهَادَتَيْنِ أَسَاسِ صِحَّةِ الْأَعْمَالِ وَقَبُولِهَا إذ لا صحة لعمل ولا قبول إلا بالإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فبالإخلاص بالله تحقيق شهادة لا إله إلا الله وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتحقق شهادة أن محمدا عبده ورسوله. Donc il dit l'autre explication qu'il pourrait avoir, c'est que ces deux attestations, toutes les deux sont le fondement de la validité de l'acte et de son acceptation. C'est-à-dire qu'un acte en islam ne peut être accepté ici avec deux conditions. La première, c'est à dire khalas, la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, ça revient à la ilaha illallah. Et la deuxième, c'est mutaba'a li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que ton acte soit conforme à l'enseignement prophétique. Donc le sens de wa Muhammad abduhu wa rasuluhu. Quand même, c'est ça qu'il veut dire. Donc l'attestation elle-même regroupe les deux points essentiels sur lesquels l'action du musulman doit être basée pour qu'il soit accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité et le suivi prophétique. ثم قال ومن ثمرات الشهادة عظيمة تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين والاتباع لغير المرسلين. Donc il dit maintenant, parmi les fruits justement de cette shahada, de cette attestation, que ton cœur se libère ainsi que ton âme, on va dire, de la soumission à toute créature et du suivi de autre que les messagers. Quand tu attestes cela, c'est comme si tu disais que tu n'étais serviteur de personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu ne suis personne en dehors du messager sallallahu alayhi wa sallam. En résumé, c'est ça qu'il veut dire. Donc là, c'est le premier pilier, qui est shahada, et qui, elle, englobe deux formules. L'attestation, qui est la ilaha illallah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et serviteur. Donc ça, tu es obligé de le dire, de le prononcer pour entrer en islam. Thaniyan, وأما إقامة الصلاة فهو التعبد لله تعالى بفعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهياتها. Donc il dit maintenant l'application de la salat, c'est le fait de vouer un culte à Allah en l'accomplissant de façon correcte, authentique et complète dans ses temps et sous sa vraie forme. ومن ثمراتها انشراح الصدر وقرة العين والانزجار Donc, parmi les fruits de la salat, déjà, qu'elle est une cause d'apaisement de la poitrine, c'est-à-dire que tu te sens bien, tu es apaisé par la salat. Ce qui te fait que tu te passes de beaucoup de choses que les gens consomment aujourd'hui pour se libérer l'esprit, comme ils le disent. Comme par exemple les alcools, les drogues, même l'excès de sport ou l'excès de travail. Tout ça, ils disent, j'ai les besoins pour me relaxer. La salat, elle est là pour ça, en quelque sorte. du moins ce n'est pas son principal but, mais parmi ses buts, parmi ses fruits, que t'amène justement à t'apaiser l'esprit. Car elle, c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également qu'elle est une réjouissance. Et aussi qu'elle est une préservation des turpitudes et des actes blâmables. Donc maintenant, des gens disent, comment ça se fait? On voit des gens qui font salat tous les jours, et malgré cela, cela ne les interdit pas de tomber dans des actes blâmables. On dit tout simplement, parmi ce qui a été donné comme explication, c'est que pour que la salat soit une cause de préservation de tous ces maux, déjà, vous savez une chose, les péchés, on tombe dedans inévitablement. C'est une chose qui est inévitable. D'accord? Maintenant, il veut dire quoi par là? C'est-à-dire les grosses turpitudes, les choses mauvaises, blâmables, à grande échelle. Et de façon continue et ouverte devant tout le monde. Car même le petit péché, on ne peut y échapper. Mais Yahani veut dire par là que cette salat, pour qu'elle te préserve de ces maux, il faut qu'elle soit accomplie avec une sincérité totale et qu'elle soit accomplie de façon parfaite. Yahani, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Sallu kama ra'aytumuni ou salli » Faites la salat comme vous m'avez vu faire la salat. Donc plein de gens aujourd'hui font la salat, mais ils la font mal. Très mal. Ou ils la font comme une forme de dette, je m'en débarrasse. Pour faire la chiffre de salat, c'est bon. Donc ces gens-là, tu les verras tomber dans la turpitude. Mais celui qui l'accomplit avec l'irtiseb, il recherche la récompense, qu'il a fait de façon complète autant qu'il peut, et avec une sincérité réelle, Inch'Allah, ces gens-là sont préservés de tomber dans ce genre d'acte. Maintenant, comme on l'a expliqué, personne n'est infaillible. Même s'il venait à tomber dans cet acte-là, il serait amené à se repentir. On l'avait pris dans Al-Kawad al-Arba. C'est quoi les trois titres du bonheur en ce bas monde? Man yadhkurha. Shukr al-Ni'ama. Al-Sabr al-Ibtila. والاستغفار لمن أذنب d'accord comme il l'a dit le frère بارك الله فيه يعني remercier lors d'un bienfait, c'est-à-dire remercier Allah, patienter lors d'une épreuve, demander pardon lors du péché. Donc le péché c'est inévitable, cependant tu vas demander pardon, ce qui fait que si Allah te pardonne, ton péché est effacé automatiquement comme si tu n'avais rien fait. Donc ça revient à ça. Donc maintenant, si des gens commettent des turpitudes apparentes et continues, et qui font salat, qui se remettent en compte cette salat, comment est-ce qu'ils l'accomplissent? Comme encore le Ta'ala, « Inna salat tanaha anil farsha wal munkar, wala dhikrullahi akbar » Que la salat empêche d'accomplir les turpitudes, et ainsi de suite. En se disant, je fais salat, et pourtant, je fais cela, et cela, et cela. Pourquoi? Peut-être ta salat, tu ne la fais pas assez bien. Donc tu n'as pas assez d'ikhlas dedans. Ou réelle valika. Mais l'asbab est la khafiyya. Parmi les causes qui sont, yani, peu apparentes. Qala thalithan. Wa amma ita'i zakah. Fa huwa ta'abudu lillahi ta'ala. Bi dhabl al-qadr al-wajib. Fil amwal al-zakawiyya al-mustahakka. Donc maintenant, ce qui concerne l'acquittement de la zakat, c'est un culte que tu voues à Allah en dépensant une somme précise de ton argent afin de purifier tout tes biens. D'accord? Elle a des conditions. Là, on n'est pas là pour parler des conditions et des indicats. Là, on parle juste en apparence de la chose. On n'est pas pour les règles de la salat, ni les règles de la zakat. On explique justement les fondements de la foi. D'accord? En ce qui concerne les rites, de façon détaillée, ça c'est autre chose. En tout cas, la zakat, c'est une somme prise de tes biens. Et c'est quoi le but de cela? C'est de purifier le reste de tes biens. Ah, va. Pour celui qui a la somme atteinte, bien entendu. Au bout d'un an. قال ومن ثمراته تطهير النفس من الخلق الرذيل البخل والصد حاجة الإسلام والمسلمين. Donc parmi les fruits de cette zakat, que cela purifie ton âme de l'avarice. Cela t'incite à donner de tes biens aux autres. Et cela également est une chose qui amène à combler le besoin de l'islam et des musulmans. Pourquoi? Car cet argent, tu le donnes à des pauvres. Ou à des gens particuliers. Car Allah a prédestiné que des gens seraient riches et d'autres seraient pauvres. Donc les pauvres ont droit sur les riches, qui est qu'il leur reverse لا زكاة. ثم قال رابعا وأما صوم رمضان فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات نهار رمضان. Donc quant au jeûne de Ramadan, lui, c'est le culte voué à Allah en se retenant des choses qui rompent le jeûne. C'est-à-dire tout ce qui s'avale, se boit, et également, comme le fait d'avoir des rapports sexuels, tout cela, tu te retiens de le faire lors de la jeûne de Ramadan. Et cela, tu fais pourquoi ? Pour Allah, durant un mois. وَمِنْ ثَمَرَاتِهِ تَرْوِيدْ النَّفْسِ أَنْ تَرْكَ الْمَحْبُوبَاتِ طَرَبًا لِمَرْضَاتِ اللَّهِ عَزَ وَجَلِ. Donc c'est quoi les fruits de cela ? Cela entraîne ton nefs à délaisser les choses qu'elle aime. Et cela pour rechercher l'agrément d'Allah. Qui sont les choses qui attirent le plus l'homme, comme le fait de manger, de boire et de se reproduire, d'avoir des rapports. Il s'en retient chaque jour du mois de Ramadan pour obtenir l'agrément d'Allah. Donc c'est parmi les fruits du jeûne de Ramadan. Wabadal ulama qu'Allah également, que cela est une chose qui amène à la compassion. C'est-à-dire, tu arrives à connaître la faim, donc tu ressens un petit peu ce que ressent le pauvre. Naam. وكذلك قال خامسا وأما حج البيت فهو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام للقيام بشعائر الحج. Quant au Hajj, ce qu'ils appellent le grand pèlerinage, c'est également un culte que tu voues à Allah subhanahu wa ta'ala en te rendant à la maison sacrée qui est la Kaaba pour accomplir des actes particuliers. Pour accomplir des actes particuliers, les rites du Hajj. ومن ثمراته ترويد النفس على البذل المجهود المالي والبدني في طاعة الله تعالى. ولهذا كان الحج نوعا من الجهاد في سبيل الله تعالى. Donc parmi les fruits du Hajj, également cela entraîne ton nefs à fournir des efforts, en dépensant de tes biens et également des efforts corporels dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le Hajj est une forme de jihad également sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le Hajj demande des efforts physiques et financiers. Le Hajj, il faut dépenser pour y aller. Et une fois que tu es sur place, tu as des actes à accomplir. Surtout à cette époque, quand on voit la grande foule présente à Mecca, ce n'est pas facile. Ça demande des efforts à fournir, de patienter pour aller dans les cas. ثم قال وهذه الثمرات التي ذكرناها لهذه الأسس وما لم نذكره تجعل من الأمة أمة إسلامية طاهرة نقية تدين الله تعالى دين الحق. Parmi ces fondations de la religion et d'autres choses qu'on n'a pas citées, car il a passé tous les fruits. D'accord, les arcanes, ils ont des fruits bien plus nombreux que cela. C'était un, deux, vite fait comme ça, pour résumer. Mais il y en a bien plus. Donc il dit, ces fruits que nous avons cités là font de cette communauté une communauté islamique pure, claire, qui voue, ou plutôt qui s'adonne à la religion de vérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui se comporte avec la création, avec justice et véracité. Car les autres emblèmes de cette religion, les autres rites de cette religion, sont là pour, on va dire, peaufiner, en guise de finition, de ces piliers. Et sont là également pour réformer la situation de cette communauté par rapport à sa religion. Et là, on a expliqué déjà précédemment que des gens pourraient dire cette religion appelle au bien, pourquoi les musulmans aujourd'hui sont en temps de mal. Ils font tant de mal. On dirait cette faute leur revient à eux, pas à la religion. Si beaucoup d'erreurs sont commises aujourd'hui de la part de la communauté, cela leur revient à elle-même par rapport à son ignorance de sa religion. Mais la religion n'appelle pas aux erreurs commises par les gens de l'islam. On a bien dit différencier entre l'acte que commet le musulman de lui-même et ce à quoi appelle l'islam. Et on a expliqué que le musulman fait des péchés également, fait des erreurs. D'accord ? Mais tant qu'il reste muwahid, qu'il adore Allah seul, qu'il le suit dans sa religion, Inch'Allah sera pardonné yom la qiyama. N'en déplaise aux mécréants. Ils disent comment des gens font ça et ça, comment ils vont rentrer au paradis ? On dit c'est Allah qui l'a décrété. Tu rentres au paradis, soumets-toi et fais comme lui. Même s'il a tué plein de personnes et qu'il est mouahid et qu'il demande pardon, Allah les pardonnera. Même si tu n'es pas content, ça ne te revient pas à toi. C'est pas toi qui fais entrer les gens au paradis qui les en sort. Cette décision revient à Allah. Et Allah a promis que celui qui l'adore, seul, sans rien lui associer, qui meurt là-dessus, il entrera au paradis. Quoi qu'il ait fait. Donc si la personne veut être parmi les gens du paradis, plutôt que de vouloir sortir les gens du paradis, fais les courses pour tuer entre toi. Ne regarde pas les autres. Regarde ta propre situation. Tu veux le paradis ? Soumets-toi à Allah ta'ala, et sois de ceux qui l'adorent, qui n'en soucient rien. Et les autres, peu t'importe. Tu les conseilles, et après quoi qu'ils fassent, leur compte ne te revient pas à toi. Naam. Thumma qala, wa man arada istinaba dhalika falyakra qawlahu ta'ala, wa law anna ahli al-qura amanu wattaqu lafatahna 'alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Donc maintenant celui qui veut justement comprendre cela, qui lise la parole d'Allah dans le sens où il dit que si jamais les gens, les cités avaient cru et avaient craint, nous aurions ouvert sur eux des barakats, des choses multiples depuis les cieux et de la terre. C'est-à-dire, ils leur ont accordé ces bienfaits. Cependant, ils ont démenti. Donc, nous les avons pris, châtiés, pour ce qu'ils commettaient. Est-ce que les gens des cités se croient à l'abri que ne leur vienne notre châtiment de nuit alors qu'ils dorment? Ou alors se croient-ils à l'abri que ne leur vienne notre châtiment, on va dire dans la matinée, alors qu'ils sont en train de jouer? Se pensent-ils à l'abri du coupeau d'Allah? D'accord, du coupeau d'Allah. Et personne ne se sent à l'abri du coupeau d'Allah, ce n'est un peuple perdant. فَقَلْ فَلْيَنْذُرْ فِي تَالِيخ مَنْ سَبَقْ فَإِنَّ فِي تَالِيخ عِبْرَ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَبَصِيرَ لِمَنْ لَمْ يَحِلْ دُونِ قَلْبِهِ حِجَابِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ. Donc il dit maintenant, celui qui veut vraiment comprendre ces choses-là, qui regarde ce qui est arrivé au peuple précédent. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Car il a en cela certes une leçon à tirer pour celui dont le cœur ne serait pas couvert d'un voile qui l'empêche de voir la vérité. Allah a bien confirmé que celui qui croit, qui craint et qui applique, il recevra bien nombre de bienfaits. Et celui qui délaisse, qui renie et qui dément sera châtié. Et cela, ce châtiment peut arriver à n'importe quel moment, de jour comme de nuit. Et que celui qui croit qu'il est préservé de ce mal, qui se croit à l'abri, alors lui, c'est Yani, enfin, il fait partie justement du peuple des perdants. Car le musulman, lorsqu'il lit le Coran, il voit les histoires des peuples précédents, il voit que le châtiment d'Allah a même touché des gens pieux, qui étaient au milieu des gens mauvais. Donc personne ne se sent à l'abri. Et même aujourd'hui, tu es parmi les gens de l'islam et tu fais la salade comme ça doit, ce genre de choses, tu n'es pas à l'abri que demain, alors retourne ton cœur et te fasse retourner en arrière. Donc cela t'efforce, te pousse à quoi? À t'efforcer, à fournir tout le temps des efforts, continuellement, jusqu'à la mort. Comme quand Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur, jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Sans relâche. Ne te crois pas à l'abri. Azahu. Amen. Donc aujourd'hui, il expliquait, alhamdoulilah, les arcanes de l'islam, du moins il les a cités. Après, ce qui est des détails, des règles de ces arcanes, de ces piliers, ça c'est une autre histoire. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin.